Les découvertes musicales de Fadjet. En attendant la sortie d'un troisième album, le Nancéen Antoine HLT vous présente son nouveau single Electro Amant. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Complice de passion, donne-moi des sensations. Électrocution. Dis-moi ce qui te bloque, je veux pas d'amour en toc. Mais l'électrochoc. Ne sois pas en peine, pas d'électrogène. Je ne veux pas être électroménager. Électro-amant. C'était Electro Amant d'Antoine HLT. Plus d'infos sur le www.fadjet.net, rubrique découverte musicale.